Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bienvenue à tous à Puissance Maximale, votre émission d'intraludique sur les ondes de CKBEC. Et oui, une autre belle émission de Puissance Maximale qui est dans vos oreilles en cette belle journée du 25 octobre, 18h. Et en votre compagnie ce soir, M. Andrew Castegan à la mise en onde et aux chroniques et aux nouvelles et au micro en face de moi. Bonjour M. Castegan. Bonjour M. Michaud, mais je ferai pas de longue introduction parce que la semaine passée, tu as dit que j'étais un homme froid, donc je l'ai encore sur le cœur. Pauvre petit roux. Fait que je t'annonce, tu fais l'émission tout seul. Non. Moi, je dis rien. D'accord, tu mettras de la musique. Donc, et mon nom à moi, l'homme si cruel, mon nom à moi, c'est Michael Michaud, votre animateur, chroniqueur également, amuseur public et votre serviteur ludique. Sur son 31. Sur mon 31 aujourd'hui. Et toujours content d'être là tous les jeudis soirs pour vous parler jeux et du monde ludique en général. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est aussi une page Internet, donc le www.puissancemaximale.com pour retrouver toutes nos anciennes émissions, podcasts, photos, nouvelles qu'on poste aussi à l'occasion sur le monde ludique. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook. Allez taper Puissance Maximale dans la barre de recherche pour nous trouver très facilement. Allez cliquer sur le bouton « J'aime » parce que nous, on vous aime. Et on a besoin de beaucoup d'aime pour rattraper Facebook aussi. Ouais, c'est ça. Nous, notre but, c'est d'avoir autant de personnes qui aiment Puissance Maximale que Facebook en tant que tel. Donc, on compte sur vous pour propager la bonne nouvelle de Puissance Maximale. On vous rappelle également qu'en fin de semaine, il y a le Radioton de CKIA FM qui va avoir lieu donc du 27 octobre 11h jusqu'au 28 octobre 15h. Et Puissance Maximale sera présent le 27 de 18 à 19h. Et nous allons faire aussi nos lèves très tôt, donc dimanche de 5h le matin à 8h le matin pour un 3h de Puissance Maximale. Et on nous a confirmé aujourd'hui que M. Diego Lamana, notre collaborateur qui nous parle du monde ludique d'un autre œil, souvent d'un œil sociologique et académique. Mais on va l'avoir, M. Diego, ici, en live, en studio, qui va être présent avec nous là, pendant l'émission. Et on va avoir M. Pierre-Luc Pelletier, notre expert en sécurité informatique, qui va être là à partir de la France, qui va nous appeler en direct et on va faire aussi des chroniques avec lui le dimanche. Et aussi, samedi, on va avoir un invité du studio Nérocaille. En fait, c'est un studio indépendant de jeux vidéo qui fait des jeux vidéo sur mesure à Québec, ici dans le quartier. On va les avoir ici avec nous samedi soir. Et où il y a aussi un show demain de rock progressif avec Inner Space et Shatters qui va avoir lieu à la Ninkasi demain soir. Donc, pour un 10$, présentez-vous là, pour un show bénéfice pour CKIA, pour de la bonne musique et aussi une bonne petite consommation un vendredi soir, là, c'est toujours bien agréable. Et on va commencer notre émission après autant de messages. On va vous présenter une petite musique. En fait, il y a une thématique musicale pour ce jeudi et on va vous parler de Minecraft. Des reprises, des parodies de chansons avec le thème de Minecraft. Ça va être beaucoup la même personne parce qu'il fait des excellentes parodies. Oui, c'est Captain Sparkles. Sparkles. Il y a un Z à la fin. Ah, ben c'est ça, Sparkles. Ben c'est ça. Ben, excellent. Donc, on va, quelle sera la première chanson, Mendo? Ça va être Fallen Kingdom, une parodie de Viva la Vida de Coldplay. Donc, quand même, quelque chose de très intéressant. Je vous dirais, si vous faites une recherche sur YouTube, là, ça va. C'est des vidéos qui vaut la peine d'être vues, là. Oui, c'est des bonnes vidéos, c'est des bonnes chansons, des bonnes reprises. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Chose, mon sang. Mettez plus de chapeau dans la chaudière. Mettez la puissance maximale. PuissanceMaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale, et on va y aller tout de suite en nouvelles ludiques. Mais juste avant, vous rappelez rapidement, le but du Radiothon de cette fin de semaine, c'est évidemment pour ramasser des fonds pour CKIA, pour la station. Donc, on vous invite de donner généreusement, d'appeler en fin de semaine. Profitez-en aussi pour devenir membre, un petit 20$ là, pour devenir membre de la station, pour encourager toutes les autres émissions également. CKIA, qui est un micro libre à Québec, qui nous permet de diffuser de la musique différente, la façon qu'on veut, et aussi d'avoir des émissions différentes, des émissions qui pourraient pas se faire dans la sphère plus commerciale, entre autres Puissance Maximale, là, qui est une émission excellente et qui est très intéressante, qui a beaucoup d'auditeurs. Ben, on pourrait pas faire ça ailleurs que dans ce genre de station-là. Donc, encouragez CKIA en devenant membre, premièrement, en allant chercher votre carte de membre, et aussi encouragez CKIA pendant le Radiothon cette fin de semaine. Donc, pour toutes les informations, la programmation complète, le ckiafm.org. Donc, on y va en nouvelle ludique par une première nouvelle touchant Skyrim. Et que diriez-vous d'avoir Skyrim comme sujet de cours à l'université? Et oui, ben ça va être possible prochainement à l'université de Rice à Houston au Texas, qui va en fait proposer un cours qui va, entre autres, parler de l'utilisation des mythes scandinaves dans notre modernité à nous, et tout ça en illustrant ce propos-là en utilisant Skyrim. Donc, pour les amateurs de mythologie scandinave et de jeux vidéo, ben écoutez, vous pourriez peut-être aller suivre un cours au Texas pour vraiment les mordus. Mais bref, je trouve ça vraiment intéressant qu'on l'a de plus en plus de façon. Diego Lamanin, justement, notre collaborateur qui étudie lui à l'Université de Montréal, justement, dans ce domaine-là, mais de plus en plus le jeu vidéo devient un sujet académique reconnu, et je trouve ça vraiment intéressant qu'on va chercher comment on utilise, entre autres, là, la mythologie, des sujets comme ça là, dans les jeux vidéo. C'est une utilisation de plus en plus moderne des thèmes littéraires, entre autres, et je trouve que c'est vraiment intéressant d'aborder les jeux vidéo en ce sens-là. Donc, félicitations à tous les Texans qui pourront aller suivre ce cours à l'Université de Rice. Andrew, autre nouvelle. Oui, en fait, soulignons que la semaine... Premièrement, je vous avertis, on est dans le moment de l'année où on peut quasiment dire que c'est le Golden Age de l'année du jeu vidéo. C'est le moment de la sortie des blockbusters. Et il y en a un qui sort la semaine prochaine, que Mike a souvent parlé de d'autres épisodes de... De ce jeu, de la série, oui. Franchise, voilà. Assassin's Creed 3 qui sort la semaine prochaine. Oh oui. Beaucoup de personnes l'attendent. En fait, la preuve, Ubisoft ont confirmé qu'Assassin's Creed 3 est le jeu le plus précommandé de l'histoire d'Ubisoft. Et l'ancien détenteur du record était Assassin's Creed Revelation. Et il l'a battu haut la main, car on parle de deux fois plus de précommandes pour cette opus. Et là, je fais un heureux. Oui. Un opus et versus l'ancien, donc... Il faut dire que là, on change de trame narrative. On va vers un autre personnage. On va aller voir Connor. On va quitter Ezio Auditore da Firenze. On va changer, là, on va aller voir ailleurs. On va vraiment... Dans le Nouveau Monde, pendant la guerre civile, on change de trame en même temps, là, historique aussi. On va se le dire franchement, la bande-annonce est écœurante. Oui, moi, un gars qui tire de l'arc, qui a un tomahawk mélangé avec tout le système de combat, le côté forestier au lieu d'être urbain, les combats en bateau. Je ne sais pas s'il va en avoir 26 ou 1, mais le combat naval qu'on a vu, vraiment impressionnant. C'est ça, avec ce qui a été montré, tout ça, les amateurs ont hâte de voir. Ça va être aussi un renouveau au niveau du gameplay. Si le système va beaucoup changer. Ouais, parce qu'il faut dire que Revelation, il y a beaucoup de monde qui ont moins accroché parce qu'ils sentaient que le système s'épuisait un peu, là. Ouais, fait mais en même temps, dans ce genre, en tout cas, moi, je trouve que quelqu'un a un bon système intéressant. Moi, je trouve que c'est bien fait, le système de contre-attaque. Il y en a qui disent que c'est trop facile. C'est vrai que c'est un peu facile, effectivement. Mais avec le genre de personnage, le genre de gameplay qu'on annonçait, je trouve que ça fit bien, là. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer avec le 3. C'est aussi ça, là, qui attire les gens. Donc, ça s'en vient la semaine prochaine. Et moi-même, là, j'ai hâte de voir ça. C'est sûr que dès qu'on va y jouer, on va vous en parler ici à Puissance Maximale. Sinon, autre nouvelle, Steam, comme on connaît cette plateforme de vente de jeux vidéo, ont souvent tendance à sortir des offres de mi-semaine. Dans le fond, en milieu de semaine, ils sortent un bundle disant « Ah, on offre tel nombre de jeux jusqu'à vendredi pour tel prix ». C'est un peu chiant quand t'as pas les fonds, mais c'est, ils font vraiment des belles offres, Steam. Imaginez-vous que l'offre de la mi-semaine met les Canadiens à l'honneur. Oh. En fait, c'est un pack de jeux qu'ils ont appelé le Canadian Indies Bundle. En fait, qui est un pack de indie games, 8 jeux, en fait, qui viennent de studios. J'aime bien comment qu'ils disent. 8 jeux de qualité développés dans le nouvel Eldorado de la création vidéoludique. Le Canada. Le Canada. Et dans le fond, vous avez au jeu Capsize, Dungeon of Dreadmoor. Dungeon of Dreadmoor, d'ailleurs, qui a gagné des prix. Genre de Dungeon Crawler, First Person, plein d'affaires de même. Là, c'est, il paraîtrait qu'il est très bon. Après ça, il y a Horde, Shank, Shank 2, Space Pirate and Zombies, Super Brothers, Sword and Sorcery, EP and Waveform. Et donc, juste pour vous donner une idée, le pack vaut à peu près... des alentours, j'ai pas le prix exact parce que je l'ai en euros là, mais ils disent 13,99 €, fait qu'avec le taux de change on peut se dire à peu près 15 piastres, mais pour des jeux indie game là, des fois je vous dirais qu'il vaut l'investissement, surtout là vous en avez 8 pour 15 piastres, ça vaut la peine. Exactement. Donc les Canadiens en l'honneur, et ça jusqu'à vendredi 23h59. Donc vous avez jusqu'à demain, mesdames et messieurs, pour vous prévaloir de ce spécial sur Steam. Mais il faut dire qu'on fait des belles découvertes dans les jeux indie. On échappe penser à des jeux comme Journey, ou encore Minecraft. Minecraft, qui est l'exemple numéro un. Mais on peut trouver vraiment des perles dans les studios indépendants. Ça vaut la peine d'aller chercher ça. Puis surtout qu'effectivement, au Canada et au Québec, entre autres, on a des bons studios. Oui, Amnesia, oui. Il y a d'ailleurs du monde qui font des drôles de mode pour Amnesia, mais bon, on n'en reviendra pas là-dessus. My Little Pony. Donc voilà, allez voir ça sur Steam pour les amateurs de jeux indépendants. Sinon, autre nouvelle, ces temps-ci, on est parti sur le trip à chaque semaine de sortir des départs, des coupures à des places et quoi que ce soit. Et c'est pas terminé. Et ce n'est pas terminé. Mais là, ça fait mal, je dirais, ben, malgré que j'ai pas... C'est plate pour les gens, mais... C'est plate pour les gens, mais personnellement, j'ai pas de peine pour le studio. Et on parle ici de Zynga. Exactement. En bon, fait, ceux qui ne savent pas c'est qui Zynga, c'est les développeurs. Farmville, et Whateverville. Donc, en fait, il y a une douloureuse restructuration chez Zynga. En fait, ils ont annoncé les chiffres pour le troisième trimestre fiscal de l'année 2012 et on parle de pertes nettes de 52,7 millions de dollars. Ouch. Donc, ça fait quand même... très mal, et on parle de chiffres désastreux, une chute de sa valeur à la bourse, des départs dans les têtes pensantes, et l'équipe est démoralisée, oh oui, on s'en cachera pas. Et ça, en fait, ça s'explique par un déclin du social gaming, on se le cachera pas, les jeux sociaux, ça revient tout le temps à la même affaire, c'est bien le fun au début, là. Mais c'est dur de percer, puis la preuve, Facebook est allé à la bourse, s'attendait à monter très haut dans les chiffres, puis présentement... Ça descend de plus en plus. Mais il faut dire que moi, ce que je comprends pas dans les gens qui font la gestion, les gestionnaires, les têtes pensantes de ces compagnies-là, et en général, faut arrêter de penser qu'il va toujours avoir du développement et de la croissance, ce qui est souvent un problème dans la société en général, quand on parle d'économie, on parle tout le temps de la croissance économique continue, c'est pas naturel, à un moment donné, les choses doivent s'arrêter. Puis c'est la même chose pour les jeux vidéo et l'engouement, je veux dire... Pour ces jeux-là, en plus d'être des jeux très plates, là, on va se le dire, là, ben c'est sûr qu'à un moment donné, les gens, même les plus accrochés, ben quand on est rendu qu'un banc, ben pour que le jeu soit différent, puis encore là, différent, c'est vite dit, mais il faut commencer à payer pour vrai, payer de l'argent véritable pour avoir des items de plus en jeu. C'est des jeux assez assez basic, là, pas très intéressants, ça fait que il fallait pas vraiment s'attendre en offrant un produit vraiment de qualité assez ordinaire, le côté gameplay, que ça allait tout le temps être en croissance. Il faut être un peu niaiseux pour penser ça. Sinon, ben pour pallier à ça, ben la compagnie a décidé de faire une réorientation vers les jeux à l'argent. Et donc, on parle de gambling. Donc, ils vont s'associer avec le site Bwin, que je connais pas. Mais tout ça pour dire que pour essayer de réorienter, remonter la compagnie, ils ont fermé les studios de Boston. Ils prévoient 5% de licenciement du total de leur personnel. Donc, les bureaux au Texas, en Angleterre et au Japon vont être touchés. Donc, ben, c'est merveilleux. Désolé d'entendre ça pour les employés de Zynga, mais... On pleurera pas. On pleurera pas pour la compagnie en tant que telle. Et on continue, monsieur Andrew Castegan, après ces quelques nouvelles en musique. Et on va aller voir, on va l'entendre une autre parodie de chansons liée à Minecraft. Oui, on va aller écouter Revenge. Une chanson qu'on a déjà fait jouer à l'émission il y a bien longtemps, même qu'on voulait se faire un petit spécial Minecraft. Et que cette chanson-là est un... C'est une bonne parodie de bonne qualité, ça sonne bien. Là. On voulait vous la, ouais, la faire écouter. Juste pour bien faire, c'est la seule toune que j'ai pas le nom de la toune originale. Là. Mais ça avait un rapport avec l'amour, quelque chose comme ça, de Tayo Cruz. Ouais, je me rappelle pas du nom de l'artiste original, mais vous allez... Ben, c'est Tayo Cruz, là, ouais. Mais le nom de la toune, je m'en rappelle plus. Bon, ben vous allez bien entendre ça. De toute façon, vous allez reconnaître l'air assez facilement. Vous entendez ça, bref, c'est Revenge... une parodie d'une chanson dont le titre nous échappe, de Minecraft. Vous attendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Creeper. Oh man. So we back in the mine. Got our pickaxe swinging from side to side. Side, side to side. This task a grueling one. Hope to find some diamonds tonight. Night, night, diamonds tonight. Heads up, you hear a sound. Turn around and look up. Total shock fills your body. Oh no, it's you again. I can never forget those eyes. Eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby tonight. Hissing from right behind, right, right behind. That's a nice life you have. Shame it's gotta end at this time. Time, time, time, time, time, time. Blows up, then your health bar drops and you could use a one-up. Get inside, don't be tardy. So now you're stuck in there. Half a heart is left, but don't die, die, die, die, die, die. Cause baby tonight. Some armor, get it, baby, go and forge. I like you so, MLG Pro. The sword's made of diamonds, so come at me, bro. Huh. Training in your room under the torchlight. Hone that form to get you ready for the big fight. Every single day in the home, like creepers out prowling. Alright, look at me, look at you. Take my revenge, that's what I'm gonna do. I'm a warrior, baby, what else is new? And my blade's gonna tear Cause through baby, you. Tonight, the creeper's trying to steal all our stuff again. Got your stuff? Yeah, let's take back yeah, the world. Baby, tonight, grab your sword, armor, and gold. It's on. Take your revenge. Oh. So fight, fight like it's the last, last night of your life. I'm show them your body. Cause baby, tonight, the creepers trying to steal our stuff again. Cause baby, tonight, grab your pick, shovel, and bolt again. Bolt again. Whoa. And run, run until it's time. Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind Și îmi place Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale avec d'autres nouvelles ludiques avec Monsieur Andrew Castegan et moi-même, Michael Michaud, votre serviteur. Et on y va avec une autre nouvelle, Monsieur Castegan. Oui, jeu que moi, personnellement, j'ai très apprécié. Toi, tu as été mitigé dessus. Tu nous en as pas parlé encore en onde. Dishonored. Ben, écoutez, tant qu'à avoir le micro et vous parler de jeu, pas déçu. C'est en fait, ce qui me tanne, c'est le graphisme. Pas le graphisme, je m'excuse. Oui, un peu. On a parlé des textures. Là. C'est vrai que les textures de proche, ils m'énervent. Pour vrai, c'est plate parce qu'avant, j'étais pas comme ça, mais depuis que j'ai une machine performante côté PC, je veux avoir quelque chose de performant côté jeu quand je vais jouer. Puis quand on a quelque chose de moins réussi côté graphique, ça me dérange pas tant que ça. Mais quand on est rendu proche, puis on a comme juste une patch de couleur où on voit que la texture est pas travaillée, ça m'énerve. Mais c'est pas ça qui va faire que je vais dire que le jeu est pas bon, par exemple. Ça, je suis pas un homme si superficiel. Mais j'avouerais que je suis comme la plupart des gens qui en ont parlé, en tout cas qui m'en ont parlé. On entend parler que Bethesda est dans le coup, donc on s'attend toujours qu'on entend Bethesda quelque chose qui va ressembler à Fallout ou à la série Elder Scrolls. On y est quand même assez éloigné. C'est un jeu très stealth, ça je trouve ça le fun, vraiment le fun. Mais je trouve quand même, pour le moment, je suis pas très avancé. Là. Je trouve que pour le moment, c'est très linéaire dans son histoire. C'est sûr qu'on a plusieurs façons de réussir une séquence de jeu. On a plusieurs chemins pour s'y rendre, autant par la porte principale en attaquant tout le monde de front, ou avec différentes façons de se rendre de façon subtile et en stealth, pour le dire en anglais. Je sais pas, on dirait qu'il y a un petit quelque chose. L'histoire est très intéressante, par contre, mais je trouve que le storyline en tant que tel, pour le moment, est un peu trop. Assez de choix, trop linéaire. C'est ça, linéaire, trop linéaire. Mais bref, j'en reparlerai peut-être plus tard. Là. Je sais qu'on a déjà fait une chronique, mais quand j'aurai joué plus longtemps, je pourrais vous en reparler. Mais il y a des DLC qui ont été annoncés, Andrew. Oui, exactement. Mais t'es juste pour compléter sur ce que tu disais rapidement. Moi, je trouve qu'un jeu qui a une histoire accrochante, mais que l'histoire est linéaire, moi, en tant que tel, si l'histoire est accrochante, je peux outrepasser le fait qu'elle est linéaire. Non, mais c'est ça. Elle est bonne quand même. C'est pas que le jeu est pourri puis que vous devez pas jouer à ça. Au contraire, c'est un bon jeu. C'est juste que mes attentes étaient ailleurs. On va voir si plus je vais jouer, plus que mes vieilles attentes vont disparaître et vont vraiment me laisser embarquer dans le jeu. Mais c'est un jeu, pour le moment, qui m'embarque pas à 100%, mais je sais que ça va venir. Mais au niveau des DLC, en fait, il y en a eu trois qui ont été annoncés par Bethesda. Un qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Les deux autres pour 2013, dont un premier quart 2013 et l'autre plus tard dans l'année. Le premier, en fait, on parle du DLC Dawnwall City Trials. C'est pas un DLC qui va rajouter de quoi à l'histoire de Dishonored. C'est en fait un mode défi. Dans le cas exemple que vous dites, ah, t'es sans jouer vraiment à l'histoire, j'aimerais ça avoir des petits trials, exemple, passer inaperçu dans une zone, me rendre d'un point A au point B, ou encore survivre à des vagues d'ennemis ou quoi que ce soit, ben ce DLC-là va vous donner des maps pour vous permettre de le faire. Donc, en fait, ça va vous permettre de jouer un mode où la furtivité, le combat et l'agilité seront jugés. Ça va permettre de s'entraîner aussi en même temps pour le storyline. Exactement. Donc, jugé, noté, classé dans un top mondial, donc un petit aspect compétition entre amis. Donc, quelque chose qui pourrait être quand même intéressant. Ah, on bon. Parle d'un DLC rajoutant quand même plusieurs maps, ils sont pas précis, mais ils disent que ils vont avoir quand même pas mal de stock pour 4$ à peu près. Ah, c'est ça que j'allais dire, parce que c'est intéressant, oui, parce que ça amène un côté entraînement qu'on peut faire, compétition un peu. C'est pas en tout cas, d'après ce qu'on nous dit, là, c'est pas très profond. Là, on va pas changer storyline. J'allais dire, mais à quel prix, là, à 15$, là, je suis pas trop intéressé, mais à 4$, je trouve ça très intéressant. Ben, c'est un peu comme Earthfire, dans le fond. Là. Ça va être, ils vont sûrement charger à peu près le même principe pour la quantité de stock qu'ils vont donner. Là. Sinon, de façon plus stimulante, les deux autres DLC, c'est surtout des DLC scénarisés qui vont rajouter des scénarios de plus au jeu. Le premier a déjà eu des confirmations. C'est un pack qui va se concentrer sur l'histoire de Daud, D-A-U-D. Daud? Je ne me rappelle plus c'est qui. Bon, non, ben moi je suis pas rendu super loin là, mais ben bref, Le personnage. Ah, c'est. Ok, c'est bon, je viens de l'emplacer, je le dirai pas parce que ça va spoiler. Mais bref, en fait, l'article dit donc on évitera trop de parler ici pour éviter les spoils. Je vais suivre la même affaire parce que je viens de l'emplacer, c'est qui. Mais bref, ça va rajouter vraiment quelque chose de très intéressant. Je vous avertis tout de suite, ça va répondre à beaucoup de questions que vous allez avoir pendant que vous jouez au jeu. Je n'aurai pas plus de détails, mais ça risque d'être très intéressant. Donc, premier pack qui a été confirmé, un deuxième qui pour l'instant reste un mystère qui va être plus vers la fin de l'année. Mais certaines rumeurs. Pencherait vers l'histoire dans comme après le jeu là qui est comme une mini autre conclusion. Ouais, mais on jouera pas le même personnage, donc on va c'est comme une suite un peu avec quelqu'un d'autre. Non, c'était que c'est les rumeurs qui circulent là-dessus, mais on parle évidemment de nouveaux environnements, armes et pouvoirs qui vont être ajoutés avec ces DLC là. Excellent. Autre nouvelle, monsieur Castelgan, avant de retourner en musique. Oui, en fait, si vous avez un ordinateur et que vous avez Steam, je vous annonce que vous allez pouvoir jouer et cela gratuitement à Left 4 Dead 2 pendant toute la fin de semaine. Oh, ça c'est le fun. Pour ceux qui n'ont pas Left 4 Dead encore, shame on you premièrement. Et deuxièmement, ça va vous donner l'occasion de le faire. Mais c'est quoi, Andrew? On nous permet de downloader une version complète du jeu qui a un timer dedans? Exactement. Hein? C'est bon. Exactement ça. Ils ont fait la même chose avec Modern Warfare 3 au niveau de, excusez-moi, de Call of Duty. Il apparaissait dans votre liste de jeux. Vous pouviez télécharger le client qui vous permettait d'ouvrir le jeu. Et pendant la fin de semaine, il était dans votre liste et disponible. Et à la fin, ben il se désinstalle automatiquement de votre machine par le biais de Steam. Ah. Mais vous avez accès entièrement au jeu. Là. Si vous voulez jouer en multijoueur ou en solo, vous avez... Ben, à part Medal of Honor, à part Call of Duty, qui était spécifiquement le mode multijoueur. Mais lui, ici, on parle vraiment du jeu complet. Donc, si vous voulez jouer en solo, jouer les défis ou encore jouer en ligne, ben vous allez avoir accès à tout ce que le jeu peut vous offrir pour la fin de semaine. Ah, Left 4 Dead 2, un déversoir de sacre, parce que j'ai sacré beaucoup en jouant à ce jeu-là, mais un excellent jeu de tir contre des hordes et des hordes de zombies. Et sans farce, pour ceux qui n'ont jamais joué ou que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, ben profitez-en donc pour vous connecter avec vos amis en fin de semaine et leur proposer, pour ceux qui ne l'ont pas, de jouer gratuitement à Left 4 Dead 2 toute la fin de semaine. Allez-vous chercher ça sur Steam. Et on y va, monsieur, en musique avec une autre chanson de Minecraft. Oui, en fait, il y a du monde qui vont être contents, il y a du monde qui ne vont pas l'être. C'est une parodie d'une toune de l'heure. Oh oui! Provenant tout droit de la Corée. Et oui, on vous laisse deviner. 1, 2, 3. C'est le Gangnam Style, mais version Minecraft. Et ben vous allez voir, c'est bon. Le vidéo est écœurant, il est vraiment bien animé. Encore, c'est le même parodieur, si on veut dire. Capitaine Sparkles. Donc, Capitaine Sparkles qui nous donne sa version à lui du Gangnam Style, mais version Minecraft, et tout ça à puissance maximale sur les ondes de Sequoia FM à Québec. In Minecraft style. Minecraft style. Digging a hole just one more time until I score this. Strike rich on diamonds, iron, gold, and build our decked out fortress. All we need is just a bit of luck to not abort this. Running low, we can't afford this. Dungeons under here. Just the last time a group of creepers came out over there. Of diamonds, then chased us all out of there. A spider army dropped down from the roof into our hair. Ran back to fresh air. This ain't your land. You're gonna get banned, so you know. Hey. When you plan to go, hey. When you're digging, you better listen, so you know. Hey. When they're gonna show, hey. Making sure you're all prepared before you go. Dig in Minecraft style. Minecraft style. Dig, dig, dig, dig. Dig in Minecraft style. Minecraft style. Dig, dig, dig, dig. Dig in Minecraft style. Hey, sexy piggy. Dig, dig, dig, dig. Dig in Minecraft style. Through the forest to wire our monster trap so all the the zombies will ignore us. We build the city block by block and we don't welcome tourists, but they still come looking for us. Like a son of hell, we built a portal to the nether, lava everywhere, zombie pigs and gas flying all around, so tread with care. Best you craft some armor and exchange that for the clothes you wear while you're under here. Lava flowing, those lakes are glowing down below. Digging Minecraft style. Minecraft style. Dig, dig, dig, dig. Digging Minecraft style. Minecraft style. Dig, dig, dig, dig. Digging Minecraft style. Hey, sexy piggy. Dig, dig, dig, dig. Digging Minecraft style. Some more until you hit the core. Diamonds, diamonds, baby, that's what we're all looking for. Dig some more until you hit the core. When you find them, baby, then you know it's time to see the game we're playing. Dig in Minecraft style. Dig in Minecraft style. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette très bonne parodie de Gangnam Style qui est Dig in Minecraft style. C'est bon, moi j'aime bien, je l'aime bien. Je suis pas un. Ben, faut, non, c'est pas vrai. Gangnam Style, je l'aime la toune, pas parce que c'est la grosse pop dégueulasse que j'haïs habituellement, mais parce que c'est un Sud-Coréen un peu con qui a fait ça. La vidéo est tellement drôle. Ben, c'est drôle parce qu'à un moment donné, une émission américaine, ils ont demandé comment t'es arrivé avec cette danse-là. Puis le gars, il a dit, je sais pas danser. J'ai fait n'importe quoi, je me suis fait du fun, pis ça a pogné. Ben oui, c'est ça. Non, mais souvent, les affaires random de même. C'est fort en Asie, ça. Ouais. C'est effectivement le Japon, la Corée du Sud là, sont forts là-dessus. Salutations à nos amis nippons et sud-coréens. Et on continue avec d'autres nouvelles, M. Castegan. Et on va parler de la PS3. Sony doit tellement brailler présent, actuellement. Une grosse nouvelle, la PS3 hackée, mais pour de bon. Oui, en fait, il y avait déjà des gens qui avaient des consoles PS3 piratées, t'es, qui pouvaient jouer à des jeux gravés. T'es, c'est pas un secret, là, t'es, ça existait déjà. Mais il y avait des limitations. Il fallait rester au firmware, le logiciel interne de la console. Dans le fond, il fallait rester à la version 3.55 et se passer de l'accès au PSN. On s'entend que quand t'as pas accès au PSN, tu coupes une bonne partie des fonctionnalités de ta console. Ouais. Fait que t'es un peu bridé. Brimé. Brimé, c'est ça que j'ai dit. Arrête de mettre des mots dans ma bouche que j'ai pas dit. Ouais, mais c'est perdre des fonctionnalités intéressantes de la console. Mais on sait, on a ça a été même pendant deux mois. Là, il y a maintenant deux ans. Ouais. Un dur moment. Un dur moment. Et en fait, qu'est-ce qui arrivait, c'est que quand le monde sortait un firmware piraté, Sony le patchait de l'autre en sortant une mise à jour et tout ça. Bref, c'était une lutte acharnée. Mais voilà qu'un groupe de hackers a en fait la découverte. Qu'est-ce qu'il fallait pas que les groupes de hackers trouvent? Et on parle ici de la clé de cryptage level 0. Donc, explique aux gens, c'est quoi une clé de cryptage level 0? En fait, une clé de cryptage, premièrement, c'est qu'est-ce qui permet d'empêcher les hackers de prendre le firmware, de l'ouvrir et de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans et faire « Ah non, ça j'enlève ça » et de le modifier, dans le fond, pour permettre de pirater des jeux ou installer des logiciels homebrew, donc logiciels maison, sur la console. Ce qui était fait, entre avec la Wii à l'époque, était relativement assez facile à pirater. Nintendo n'ont jamais été très, très compliqués à défoncer à ce niveau-là. Ouais. Là. Mais t'es Sony, c'est depuis la PlayStation... En fait, depuis la PSP, c'était leur devoir, en fait, de faire la clé de cryptage, le secret des dieux pour faire en sorte que leur console soit pas piratable. Ben, voilà, ça a été fait. Il y a du monde qui l'ont trouvé. Mais là, le problème, c'est que ce hack-là, il est impossible à patcher pour Sony. Parce qu'on parle d'une clé de cryptage qui peut pas être remplacée. Exactement, parce qu'en fait, ils pourraient la remplacer. Mais s'ils font ça, ben, ça fait en sorte que toutes les vieilles consoles marcheront plus. Ils pourront pas, ben, ils vont fonctionner, mais ils pourront plus updater le fameux firmware. Là. Exactement. Donc, on s'entend que c'est quand même une décision assez importante à prendre. Connaissant Sony, ça se peut qu'on ait des mauvaises nouvelles. Ouais, ils ont une bonne réputation pour dire « Ah, oh, on va faire ça! » Puis donc, tout le monde va se ramasser avec des consoles qui pourront plus s'updater. On va se rappeler du fameux projet Passport pour faire la transition PSP à la PS Vita. Je sais pas si tu t'en rappelles, j'en avais beaucoup parlé. Ben, on attend toujours. Qu'est-ce qui permettait de convertir les UMD en version mobile pour l'emmener avec nous autres à PS Vita pour éviter de racheter nos jeux en version digitale? Ben, le Japon l'ont eu, mais nous, en Amérique du Nord, on mange nos bords. On est riche en Amérique du Nord, on peut payer deux fois nos jeux. Exactement. En tout cas, toi, Andrew, t'es riche. Ah, tout plein. Et autre nouvelle, M. Castegan? Oui, en fait, une petite nouvelle comme ça. Si vous êtes fan de God of War, si vous avez précommandé God of War Ascension. Oui. Vous allez avoir la joie de jouer Léonidas. Oui, le roi des Spartiates. Donc, c'est une offre exclusive aux États-Unis et vous devez précommander votre jeu chez GameStop. Je sais pas si Leonidas version God of War va péter la gueule à Kratos. Je sais pas, mais ça serait intéressant à voir. Oh, écoutez, on va surveiller ça pour vous. Leonidas contre Kratos. Qui gagnera ce combat à finir? Mais j'ai hâte de voir le graphisme, tout le modèle qu'ils ont pris pour faire ce personnage-là. J'ai bien hâte de voir ça. Autre nouvelle, M. Castegan, avant de retourner en musique, oui, déjà? Oui, je vais soulever un questionnement à vous tous. La Wii U, est-ce que vous pensez qu'elle est rentable ou pas? Quand on dit ça, mesdames et messieurs, parce que vous savez, la PS3 a longtemps été vendue à perte par Sony, ce qui veut dire que quand ils vendaient leur PlayStation à 300-400$, ben ils vendaient en perdant de l'argent. Ils perdaient de l'argent sur la console. Et là, on se pose la question, bref, sur la Wii U, là, qui s'en vient, en fait, dans les prochaines semaines, si elle serait rentable. Est-ce que, M. Castegan, vous avez une réponse pour nous? En fait, il y a eu la publication du bilan financier du troisième trimestre de Nintendo, qui a été publié, et Nintendo sont un peu comme Zynga actuellement, là. Ils mangent leur bas. Parce qu'ils ont payé pour avoir une nouvelle console, mais elle n'est pas encore en vente, là. Elle n'est pas encore en vente. La Wii, on se le cachera pas. C'est fini, là. Le hype est plus là, ça se vend pas. La 3DS, elle va bien, mais la 3DS est vendue à perte. Donc, ils font pas d'argent avec ça. Et la vente de jeux sur 3DS, il y en a pas tant que ça. Fait que, il y en arrache un peu. Mais là, il y a eu des bilans, puis ils ont eu des calculs qui ont été faits. Puis là, ils se disent, la Wii U, est-ce qu'elle va remporter de l'argent à Nintendo? Ben, la réponse serait oui. Ah, Nintendo ouais. ferait un bénéfice en vendant la Wii U. Il y a eu des évaluations parce que imaginez-vous donc que tous les analystes à la planète savent que c'est que dans cette machine-là, sauf les consommateurs. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Mais bref, selon les matériels, les pièces et tout ça qui ont été mis dans la machine, les analyses ont réussi à démontrer, c'est maigre, mais ont réussi à démontrer que chaque Wii U vendu à un consommateur au prix fixé actuellement va engendrer un bénéfice au niveau de Nintendo. Et ceci, ça serait pour la première fois de l'histoire qu'une console de Nintendo au lancement ferait un bénéfice. Ben, tant mieux pour eux autres. À ça, on va voir s'ils vont en vendre assez et s'il va avoir un hype aussi gros qu'avec la Wii. J'ai hâte de voir parce que c'est sûr que c'est la fameuse manette graphique amène une dimension intéressante à un nouveau gameplay. Une nouvelle dimension au gameplay du motion. Oui, mais d'un autre côté, je suis comme un peu déçu. Oh, et moi aussi. Là, parce que je suis là, je me dis, ils sortent une nouvelle console. On sait pas ce qu'il y a dedans. Mais ils réussissent à... Ils vont la vendre quand même cher, la console. La manette... Tu sais, tu regardes ça, tu te dis, man, ça doit coûter une beurrée. T'as un écran dans une manette. Puis, tu sais, l'écran... La manette, elle peut te servir pour jouer à la console sans avoir de TV. Puis tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même une carte graphique là-dedans. Là, qu'il y ait un processeur, parce qu'elle peut être stand-alone, donc seule. Exactement. Puis là, ils sont en train de dire que pour 300$, tu sais, j'arrondis, là, Nintendo va trouver le moyen de faire un bénéfice avec ça. Parce qu'on rappelle, tu sais, un téléphone cellulaire, là, de base, là, ben, tu sais, un téléphone cellulaire en intelligent, là, ils nous vendent ça à des prix de fou à 500-600$ pour les gros modèles. Puis, je veux dire, ça va faire la même chose, là, à part peut-être le 3G, là, il n'y aura peut-être pas un signal cellulaire, mais Bluetooth, Wi-Fi, des écrans tactiles, plus performants que la plupart des téléphones, plus la console, plus tout. Bon, à 300$, c'est clair qu'il y a quelque chose. Moi, je dis, il y a un guille sous roche. Je pense que ça va jouer sur la performance. Ben là. Pour qu'il fasse un bénéfice, on va avoir une machine qui n'est pas si performante que ça. Puis... En fait, il y a deux scénarios. Soit que la machine va être effectivement performante, mais elle va être faite avec des pièces cheap, mais de chez cheap. Exemple, un Celeron comme processeur, qui est la bonne, qui est genre le bas de gamme d'Intel. Ben, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça, moi. Ça existe encore. Ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que. Est-ce qu'on va se retrouver avec une machine qui va avoir des pièces de piètre qualité pour essayer d'aller chercher une performance accrue et faire un bénéfice sur la machine, ou on va avoir des pièces de qualité mais désuètes à la sortie de la machine? Parce qu'il ne faut pas se cacher, là. Xbox, ben Microsoft puis Sony n'ont pas annoncé leur nouvelle console. Tu sais, je veux bien que Nintendo sorte une console avant eux autres, là, mais présentement, c'est pas eux autres qui ont la upper hand. Non. Excusez l'expression anglaise, là, mais... T'sais, ils sortent, oui, une machine plus forte que la Wii, mais ça va être loin de rivaliser avec les nouvelles consoles de Sony. Surtout que Sony reste quand même souvent, en tout cas dans le domaine du hardcore gamer plus. Xbox, de plus en plus, s'en va empiéter sur le marché de Nintendo avec sa Kinect, avec une collection de jeux qui va pouvoir aller justement chercher ce marché-là. Ils visent un marché universel. C'est une Xbox, quand on a une famille, on a l'adolescent qui est le hardcore gamer, puis la petite fille qui veut jouer à ses jeux de princesse, mais la Xbox va offrir les deux sur une console. C'est sûr que la famille peut jouer avec Microsoft. Kinect, Microsoft veut aller jouer sur les plates-bandes de Nintendo en jouant sur le mot console familiale. Et eux, ils ont la performance... pour garder les hardcore gamers avec eux. Exactement. Voilà. Puis là, Nintendo sont venus teaser les hardcore en disant « Hey, regarde, on est capable d'avoir Ninja Gaiden 3, on est capable d'avoir des gros titres. » Mais là, ils veulent sortir une console qui va être peut-être moins forte que ce qu'il y a actuellement sur le marché ou égale force. Mais de toute façon, on en reparle tout le temps, mais c'est ce que Nintendo fait à chaque fois. Mais bon, la Wii U s'en vient, mesdames et messieurs. On a hâte de voir ça comme tout le monde, mais à puissance maximale, nous sommes sceptiques. En fait, on va y aller en chanson... avec une autre parodie d'une chanson avec le thème de Minecraft. Oui, on parle ici de TNT, une parodie de la toune... Ah non, c'est celle-là qui était de Taio Cruz, la toune Dynamite. Voilà. Excusez-moi, j'ai le hockey. Ça pour dire que Revenge, on sait toujours pas plus c'est qui. Mais bref, allez chercher ça sur YouTube, c'est des bons vidéos, puis vous allez savoir c'est qui. Donc, voilà, TNT. Vous allez entendre TNT parodie de Taio Cruz et vous allez entendre ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. I came to dig, dig, dig, dig. I'll build a city I'm so big, big, big, big. Just wait a sec, gotta kill this pig, pig, pig, pig. Some bacon, take a swig, swig, swig, swig. Yeah, yeah, there must be something I can craft to ease the burden of this task. Yeah, I shoot my arrows in the air sometimes, saying hail, creepers killed. Loot his remains and now this offer's mine, saying hail, not today, no. And then I'll go to work under the birch tree, and I'll make myself tons of TNT, and I'll use these blocks to build a big city, and I'll mine it all using TNT. I came to blow, blow, blow, blow up everything you've ever known, known, known, known. Expel you out of house and home, home, home. here makes TNT is awesome, and TNT is just really cool. It's just really cool. I'm gonna shoot my arrows in the air. Arrows in the air. Shoot your arrows in the air. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, de retour à Puissance Maximale après TNT. Et on a M. François Gécouillard. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien, François? Ça va super bien. Ben oui, François qui arrive à la fin de notre émission, mais qui va être là tantôt pour son émission, le Cirque Aquatique Magique à 19h. Et on continue avec M. Couillard, là, qui va continuer à parler avec nous, là, parce qu'on va faire des nouvelles en rafale, M. Castagan. Oui, en fait, vous allez être surpris, là. Mais Capcom... Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Envisage faire un Resident Evil sur la Wii U. On le savait pas déjà, ça? Non, il n'avait rien annoncé, mais là, il l'a annoncé officiellement, parce que là, Capcom, je sais pas sur quelle bulle qu'ils sont, là, mais là, ils ont décidé que, ah, on a vu Zombie U d'Ubisoft, là, puis ça a de l'air hot, puis là, l'engouement pour Zombie U prouve que la Wii U est une plateforme pour les idéale zombies. Pour Resident Evil. Je vois pas le lien qu'ils ont fait entre Zombie U puis Resident Evil, là, ben, mais bref. Zombie, là, vous avez... Ouais, le mot. Utilisation, parce que, tu sais, ce qui est intéressant avec Zombie U, ça va être l'interaction obligatoire avec le gameplay puis l'inventaire. On pourra pas poser. Donc, tu sais, un jeu de Resident Evil où tu peux pas poser, là, c'est chiant, là. C'est que je pense qu'ils vont jouer là-dessus, là. Ouais, probablement. Puis en même temps, ben, tout hardcore, ben, tout fan hardcore, dans le fond, de la série Resident Evil vont sûrement l'haïr, là, comme Resident Evil 6, là, qui a pas fait de l'unanimité. Mais ça fait un bout qu'il y a pas eu un genre de Resident Evil où tout le monde avait wouhou, c'est super, Resident Evil est sorti. Mais bon. Bref. Ils sont bien, bien contents. Puis d'ailleurs, le fait que tu parles de l'inventaire, je viens de voir à la fin que c'est justement de ça qu'ils parlent. Ah ben? Gestion d'inventaire dans la manette. Fait que... Je pourrais travailler chez Capcom. Bref. Autre nouvelle, M. Castigan. Autre nouvelle, fan de la série Tales of... Peu importe, parce qu'il y en a eu tellement dans la série. Excellente série de RPG, donc de jeux de rôle de Namco. Exactement. Le jeu Tales of Hearts, qui était sur Nintendo DS, a été annoncé avoir un remake sur la PS Vita Tales of Hearts R. Non plus, je sais pas pourquoi ils rajoutent une lettre à la fin. Il y a ouais, eu Sigma. Ils ont une couple de titres comme ça qui. Oui, effectivement. Pour l'instant, annoncé pour 2013, confirmé au Japon, rumeur pour sortir en Amérique. Mais là, il y a comme un regain de vie là, des fans en Amérique. Là, fait que là, Namco commence à considérer à ressortir leur série d'RPG ici. Continuez d'acheter des jeux parce que c'est des bons RPG puis ça serait plate qu'ils arrêtent de venir en Amérique. Fait que je vous dirais, achetez des produits Namco. Sinon, autre nouvelle en rafale, Square Enix ont décidé de s'acheter un engine pour une fois, pour faire changement, l'engine graphique, on parle de Unreal Engine 4. Petite déception, parce que c'est l'engine qu'ils veulent utiliser pour Final Versus 13, alors qu'ils ont passé des années à développer l'engine de Final Versus 13, et l'équipe qui travaille dessus, c'est l'équipe qui fait Kingdom Hearts. Fait que Square Enix, embrayez, finissez le jeu pour qu'on ait un nouveau Kingdom Hearts. Voilà, Andrew a fait sa montée de lait ce soir pour Kingdom Hearts. On sait que t'aimes beaucoup la série, Andrew. Il m'énerve, Square Enix. Ouais, c'est ça. Ils sortent pas ça, puis ils vont sortir un Final 13-3. Ouais. On en a parlé il y a deux semaines. Ah ouais? Ouais, puis ça va être... C'est pas bon, Final 13. Toujours nuancé dans tes propos, cher Andrew. Toujours. Toujours. Et maintenant, c'est déjà la fin. Quoi. Ben, François, ouais. Merci d'avoir passé quand même, de nous avoir écoutés pour les dernières nouvelles. Et on vous autres, en fin de semaine, ça va être une grosse fin de semaine. Là. Oh yes, comme on dit au début de l'émission, on est là 4 heures en tout là, pendant le Radioton. Donc, le 27 octobre, samedi, on est là de 18h à 19h. Et le 28, on est là très matinal, 5h du matin, 8h du matin, avec nos collaborateurs qui vont être là live. Wow. Et on vous jure, ça va être une émission 100% non censurée. Et voilà. Donc, ça veut dire que tu vas faire la mise en onde de nu. Exactement. Voilà. Si vous venez à la station, vous allez me voir flambant nu. Donc, moi, je vais faire l'animation de chez moi. Donc, soyez au rendez-vous, à l'écoute et donnez généreusement pendant le Radioton. Passez par le site ckiafm.org pour aller faire vos dons. Allez sur aussi www.puissancemaximale.com pour aller écouter nos émissions. Et je vous rappelle qu'il y avait M. Andrew Castegan à la mise en onde. Merci beaucoup, Andrew, d'être là chaque semaine. Toujours un plaisir. Et mon nom, moi, c'est Michael Michaud, votre animateur, votre serviteur. Et je vous dis bonne semaine de jeu et n'oubliez pas de nous écouter pendant le Radioton cette fin de semaine. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day we One, two, three, four! Die!